Alfred de Vigny, La Dryade. Vois-tu ce vieux tronc d'arbre aux immenses racines? Jadis il s'anima de paroles divines. Mais les noirs hivers, le chêne fut vaincu et la dryade aussi. A vécu. Car tu le sais, berger, ces déesses fragiles, envieuses des jeux et des danses agiles, sous l'écorce d'un bois où les fixa le sort, reçoivent avec lui la naissance. C'est la mort. Celle dont la présence enflamma ses bocages répondait au pasteur du sein des verts feuillages et par des bruits secrets. J'adore aussi les nains.